Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et nous accueillons avec plaisir une nouvelle chroniqueuse à l'émission, Julie Rouleau, qui est sexologue. Bonjour Julie. Bonjour François. Alors Julie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les auditeurs sachent mieux qui est derrière cette nouvelle voix à Futur Simple? En quelques mots, certainement. Ouais. Donc, je suis une sexologue qui travaille davantage au niveau sociétal, donc beaucoup en politique publique, en éducation, et je suis spécialisée en promotion des rapports égalitaires. Et pour l'instant, là, je travaille sur des dossiers pour prévenir et contrer la violence à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. D'accord. Alors, Julie, la sexologie, c'est un vaste sujet. Tout à fait. Par où est-ce que tu vas commencer? Bien, vous savez, François, pour cette première chronique, j'ai cherché le meilleur sujet pour introduire la sexologie. Je me suis d'abord dit que je pourrais introduire l'histoire de la sexologie, vous parler des scientifiques ayant contribué à faire émerger une connaissance réelle de la sexualité humaine, Kinsey, Master & Johnson, par exemple. Ah, qui sont très connus, là. Tout à fait. Et pour de bonnes raisons. Et puis, je me suis dit que vous seriez sans doute fasciné d'entendre parler de la transformation du concept du couple et de l'amour à travers les siècles. Je pourrais sans doute vous parler des rôles sexuels tels que les a explorés Margaret Mead, donc nature ou culture, François. J'aurais aussi pu me coller à l'actualité puis démystifier le concept de violence à caractère sexuel à l'ère du hashtag MeToo ou encore parler des similitudes entre la réalité et la série La Servante écarlate diffusée sur Hulu. Finalement, je me suis dit qu'il vous faudrait bien vous donner une petite base et j'ai décidé de vous initier à la sexologie en tant que telle, son histoire, ses particularités, ses champs d'application concrets au Québec, son enseignement. Ben, c'est bien ça. Mais justement, Julie, qu'est-ce que la sexologie? Comment est-ce qu'on pourrait définir cette science? Eh bien, François, la sexologie est l'étude de la sexualité humaine et de ses manifestations. Donc, le mot sexologie est formé à partir du latin sexus et du grec logos. Donc, l'expression signifie étude sur le sexe, tout simplement. Donc, elle étudie tous les aspects de la sexualité, c'est-à-dire le développement sexuel, les mécanismes des rapports érotiques, le comportement sexuel et les relations affectives. Et elle inclut évidemment les aspects physiologiques, psychologiques, biologiques, sociaux et culturels. La sexologie est fascinante puisqu'elle est à la croisée de plusieurs disciplines comme l'épidémiologie, la biologie, les neurosciences, la médecine, les statistiques, la criminologie, l'histoire, la psychologie et la sociologie. La sexologie étudie également la sexualité de certains groupes qu'on dit particuliers, comme les personnes avec une limitation physique ou intellectuelle, les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Elle étudie également les pathologies sexuelles telles que les dysfonctions sexuelles, la violence sexuelle et les pratiques marginales comme les paraphilies et les comportements déviants ou transgressions sexuelles. La sexologie traite aussi de sujets particuliers comme le contrôle des naissances, l'avortement, la violence à caractère sexuel, comme on l'a dit, les nouvelles techniques de reproduction et les différents aspects de la santé sexuelle. Le champ est quand même très grand. Hein? Effectivement. Et à quel moment de l'histoire est-ce que la sexologie a-t-elle fait ses premiers pas? Bien, c'est assez récent de la façon dont on la connaît. Donc, c'est au début du 20e siècle que le mot sexologie est utilisé pour la première fois et désigne à l'époque là, la détermination du sexe des enfants avant la naissance. Un certain nombre de manuels anciens, pensons au Kama Sutra, sont apparus dans toutes les civilisations et traitent de ce qu'on pourrait appeler éducation à l'érotisme et à la séduction et à l'amour, mais aussi aux techniques sexuelles. Mais c'est après les années 60 que le mot désignera surtout une discipline médicale d'étude des pathologies de la sexualité. Je profite ici pour spécifier que l'homosexualité a bénéficié d'une sortie en trois étapes du manuel diagnostique des statistiques des troubles mentaux, notre fameux DSM, entre 1974 et 1987. Donc, les pathologies à l'époque incluaient certaines choses qui, pour l'instant, sont tout à fait dans les normales, évidemment. Actuellement, le mot sexologie tend à désigner une science structurée qui a pour objet l'étude globale de la sexualité. La méthode de la sexologie est l'interdisciplinarité. Donc, en d'autres mots, réunir et intégrer dans une analyse et une réflexion commune toutes les données des différentes sciences génétiques, biologie, éthologie, psychologie, sociologie, psychanalyse, médecine, et qui abordent chacune un aspect spécifique ou limité, en fait, de la sexualité. La sexologie est une profession où les milieux de formation sont peu nombreux. C'est quand même paradoxal considérant l'importance que peut prendre la sexualité dans notre société. Effectivement, l'enseignement de la sexologie s'est développé depuis les années 70, souvent avec beaucoup de difficultés. Dans la plupart des pays du monde, ce sont des cours optionnels en sexologie qui sont offerts dans les universités pour des spécialisations pour les étudiants de psychologie ou de médecine, par exemple. Vous serez heureux d'apprendre qu'il existe un département exclusivement consacré à la sexologie. Il est ici, au Québec, à l'Université du Québec à Montréal. Ah bon? Donc, c'est en 2012 que le département de sexologie a inauguré son programme de troisième cycle, donc qui est récent, et qui complète maintenant les programmes de premier et deuxième cycle existants. Cette formation est unique au monde. Comme on l'a dit, là, en Europe, la formation de sexologie prépare les médecins et les psychologues qui souhaitent se spécialiser. Au Québec, les sexologues travaillent dans les domaines diversifiés, l'intervention, prévention, sensibilisation, la relation d'aide, la thérapie et la recherche. C'est d'ailleurs une profession au sens propre du terme, puisqu'il y a quelques années, il y a déjà 5 ans, en septembre 2013, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec était constitué et des activités spécifiques sont réservées aux professionnels. On compte plus de 700 sexologues qui ont le titre réservé au Québec. C'est quand même pas mal, hein? Oui. Et qu'est-ce qui caractérise, en fait, le milieu de la recherche en sexologie? Comme vous pouvez l'imaginer, les acteurs de la sexologie ont été par le passé essentiellement des médecins, secondairement des praticiens du domaine médical. Donc, quelques chercheurs, biologistes, éthologues, ethnologues, psychologues ou historiens ont apporté le plus souvent ponctuellement des contributions très importantes. La caractéristique la plus significative des acteurs provenant d'autres professions est qu'ils ne sont qu'une faible minorité à travailler uniquement sur la sexualité. Donc, à l'époque, le sexologue à temps plein était une exception. Et qu'en est-il de la recherche au Québec? Bien, avec la mise en place d'un doctorat spécifique en sexologie à l'UQAM, c'est un pas significatif, en fait, qui est accompli vers l'approfondissement et puis la synthèse des connaissances en sexualité humaine. Maintenant, le Québec peut compter sur plusieurs spécialistes québécois et québécoises qui consacrent l'essentiel de leurs activités professionnelles à étudier la sexualité. Cette nouvelle caractéristique de la recherche en sexologie, c'est un facteur favorisant la recherche de qualité, évidemment. Donc, je vous nomme quelques travaux là, qui sont en cours. Oui, s'il vous plaît. Donc, il y a une toute nouvelle chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'enseignement supérieur au Québec qui est dirigée par Manon Bergeron. On a une chaire interuniversitaire, Marie-Vincent, sur les agressions sexuelles envers les enfants sous la responsabilité de Martine Hébert. Il y a aussi des recherches dans un tout autre domaine qui concernent les troubles éjaculatoires chez les hommes présentant une lésion modulaire qui sont également en cours dans les laboratoires de Frédéric Courtois. Et qu'en est-il de l'éducation à la sexualité dans les écoles au Québec? L'éducation à la sexualité fait actuellement un retour remarqué au Québec. Vous avez peut-être lu quelques articles dans les médias à ce sujet. En effet, si depuis la fin du cours de formation personnelle et sociale, l'inoubliable FPS, François, les apprentissages en éducation à la sexualité pouvaient être dispensés ou non, il était justement là, le problème, de façon ponctuelle par les enseignants et les enseignantes qui n'ont pas de base en éducation à la sexualité actuellement dans leur formation initiale, malheureusement. Ce sont maintenant 5 à 15 heures obligatoires d'apprentissage en éducation à la sexualité qui seront donnés dans tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire, de la maternelle au 5e secondaire, à partir de cette année. Donc, la mise en œuvre se fait déjà sentir au Québec cet automne et devrait se concrétiser dans toutes les régions en janvier 2019. Je vous nomme les thèmes que vous pouvez retrouver, évidemment, sur le site web du ministère de l'Éducation. Donc, les thèmes couverts sont la croissance sexuelle humaine et l'image corporelle, identité, rôle, stéréotypes et normes sociales, vie affective et amoureuse, agression sexuelle, grossesse et naissance, globalité de la sexualité, agir sexuel, violence sexuelle. Et finalement, le traditionnel, infection transmissible sexuellement et par le sang, les ITSS et la grossesse. Donc, comme vous le savez, l'éducation à la sexualité contribue à prévenir les violences sexuelles, à lutter contre les stéréotypes sexuels et sexistes et à lutter contre le modèle de beauté unique et contribue à favoriser la santé sexuelle. Il était temps, je vous le dis. Donc, en conclusion, la sexologie a beaucoup apporté au Québec et il me fera plaisir de vous en présenter un petit morceau de temps à autre à Futur Simple. Ben, ça nous fera extrêmement plaisir de l'entendre parce qu'effectivement, on considère que c'est très important. Génial. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. On va faire une pause musicale et on vous revient avec Marie-Claude Dionne.